Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 81. De l'appétit sensitif ou de la sensualité? L'appétit sensitif ou sensualité est une force purement appétitive qui se divise en appétit concupiscible et appétit irascible. Soumission de ces deux appétits à la raison. 1. L'appétit sensitif est-il une faculté rationnelle ou simplement une force appétitive? L'appétit sensitif est uniquement une force appétitive qui s'exerce à la suite de la perception des sens. Il consiste dans le mouvement sensuel, d'où il a pris le nom de sensualité, et résulte de l'impression reçue par les sens. Il n'est autre, au fond, que la propension de l'âme vers les choses qui flattent le corps. 2. L'appétit sensitif se divise-t-il en deux facultés différentes? L'appétit sensitif donne lieu à deux facultés, qui sont la faculté concupiscible et la faculté irascible. Pour éclairer cette question, observons que tous les êtres de la nature sont portés, par inclination naturelle, non seulement à rechercher ce qui leur convient et à fuir ce qui ne leur convient pas, mais encore à s'élever avec résistance contre ce qui veut les corrompre ou leur nuire. La flamme, par exemple, tend par nature à s'élever dans les airs et à quitter les lieux inférieurs, mais en même temps elle résiste à ce qui veut la comprimer ou l'éteindre. On trouve pareillement deux forces dans l'appétit sensitif, l'une, par laquelle nous nous portons vers ce qui convient à nos sens et nous nous éloignons de ce qui leur déplaît, on l'appelle faculté concupiscible, l'autre, dont l'objet est de détruire tous les obstacles qui s'opposent à nos désirs, on appelle celle-ci faculté irascible, et l'on dit en conséquence qu'elle a le difficile pour objet. Elle tend effectivement à vaincre les difficultés et à triompher des obstacles qui nous contrarient. Ces deux facultés ne sauraient être confondues, car, en suivant l'inclination de l'irascible, nous nous portons, contre l'inclination du concupiscible, à des actes pénibles pour combattre ce qui nous est contraire. Aussi les passions de l'irascible paraissent-elles opposées à celles du concupiscible, et, de fait, on a vu souvent le feu de la concupiscence amortir la colère, et le feu de la colère arrêter la concupiscence. La faculté irascible prend sa source, il est vrai, dans la faculté concupiscible et y trouve aussi son terme, comme on le voit par les combats des animaux, qui ont pour principe et pour fin les biens que désire leur appétit concupiscible, mais ces deux facultés n'en sont pas moins distinctes. L'appétit irascible est comme le défenseur et en quelque sorte le rempart du concupiscible, il le protège, le défend et le met à couvert dans la recherche du bien. Note. Ainsi se trouvent parfaitement établies deux facultés, puissance ou appétit, car ces mots sont synonymes, qui reparaîtront fréquemment dans la suite, et principalement dans le traité des passions. Voir le tome 2. Fin de la note. 3. La faculté irascible et la faculté concupiscible obéissent-elles à la raison? Il est constant que ces deux facultés obéissent à la raison et à la volonté, c'est-à-dire à la partie supérieure de l'âme. D'abord, elles obéissent à la raison, c'est un fait d'expérience. Certaines considérations ont souvent calmé ou excité la colère, la crainte et autres sentiments de même nature. Ensuite, elles obéissent à la volonté, qui donne l'impulsion vers les actes extérieurs. Nous ne sommes pas comme les animaux privés de raison, en qui le mouvement se produit aussitôt que l'appétit concupiscible ou irascible est excité. Notre appétit inférieur ne suffit pas à nous mouvoir, à moins que l'appétit supérieur, la volonté, ne nous donne ses ordres, ou du moins son consentement, car, dans les puissances motrices bien ordonnées, le second moteur ne donne le mouvement que sous l'impulsion du premier. La partie supérieure de l'âme, disait Aristote, me la partie inférieure, comme la sphère supérieure me la sphère inférieure. Note. L'appétit sensitif obéit à la raison, mais souvent aussi il la combat. C'est ce que saint Paul exprime en disant, « Je sens dans mes membres une autre loi qui combat la loi de mon esprit. » Romains 7, 23. L'âme exerce sur le corps un pouvoir despotique, la main, par exemple, lui obéit sur le champ. La raison n'a pas la même autorité sur l'appétit sensitif. Ici, c'est en quelque sorte un gouvernement politique et royal qui s'exerce sur des hommes libres, lesquels, bien que soumis à l'autorité d'un chef, résistent trop souvent aux ordres qu'ils en reçoivent. Cette comparaison nous explique pourquoi la partie irascible et concupiscible résiste à la raison, et les victoires qu'elle remporte sur elle, surtout lorsque l'imagination vient lui prêter son secours en lui présentant des choses agréables que la raison défend, ou des actes pénibles que la raison commande. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020. Extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.